Marco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 8 mai 2024. Voici les grands titres de cette édition. Des glissements de terrain mettent des dizaines de ménages dans la désolation. Cela se passe en commune Rugombo de la province Chibitoke. Et le gouvernement burundais devrait organiser une table ronde avec ses bailleurs pour trouver des solutions urgentes à la crise économique que connaît le pays aujourd'hui. La suggestion vient de l'ONG locale Olicom. Vous entendrez les explications de Gabriel Rufiri. Et dans la chronique sur les messages de haine, un expert en résolution pacifique des conflits nous montrera comment le déni des frustrations de l'autre peut engendrer de la violence entre communautés. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plus de 40 ménages de la colline Rukana 1 de la commune Rugombo de la province Chibitoke sont dans la désolation totale après des inondations ayant provoqué un glissement de terrain qui à son tour a emporté des champs de culture comme le maïs, le haricot, le maïs et la colocase. Il demande à l'État d'intervenir en urgence sur cette fissure qui ne cesse de s'agrandir. Suivez-les. Que ce soit le manioc, le colocase, les fruits, comme par exemple les manguiers, sont tous emportés par ces inondations qui ont occasionné le glissement de terrain. Je n'aurai que retirer rien. Vous voyez que les autres vont récolter. Je demande à l'État d'intervenir. Ici à Rukana 1, la situation est grave. Vous voyez que les inondations ont emporté nos champs de culture. Pour le moment, nous ne savons pas à quel sens se vouer. Ici, les champs de haricots, le maïs, les colocases, les fruits, tous ont été emportés par ce glissement de terrain. Nous avons beaucoup perdu, car nous avions de l'espoir que la récolte serait bonne, mais voilà ce qui se passe. C'est la famine qui va suivre. Nos champs de culture étaient nos seules sources alimentaires. Nous demandons au gouvernement d'intervenir. Sinon, ces familles victimes de ces inondations vont souffrir beaucoup. Les dégâts ici sont immenses. On enregistre plusieurs hectares de champs endommagés comme les haricots, les manioc et les autres. Nous demandons au gouvernement d'intervenir car tout a été emporté par ces glissements de terrain. Les conséquences sont nombreuses. Nous sommes incapables de nourrir nos enfants. C'est grâce à la récolte que nous essayons à satisfaire nos besoins. Mais avec ces inondations, c'est le désespoir total. Et les usagers du boulevard baptisé Adolphe Nshimirimana partant du rond-point des Nations Unies menant vers Boubanza en passant par Mutakura éprouvent des difficultés dans leur déplacement. Outre les nids de poules qui jonchent cette route, la poussière les guette à chaque pas. Et ceux qui font le transport en commun des personnes préfèrent emprunter l'avenue Bouchonyori. Pourtant, le gouvernement avait annoncé pour juillet 2023 le début des travaux de réhabilitation de ce boulevard. Un reportage de Sheila Irambona. Ces personnes sont des habitants de la zone Chibitoke, rencontrés sur le boulevard Adolphe Nshimirimana, la route allant du rond-point des Nations Unies jusqu'en province de Boubanza. Cette route qui a été dans le temps asphaltée aujourd'hui est jonchée de nids de poules. Les piétons témoignent que se déplacer sur ce boulevard est un calvaire, car les secousses et la poussière les submergent. Les conducteurs de leur côté disent fleurer des accidents à chaque fois. Nous arrivons en retard à destination à cause de cette route et la fatigue nous guette à chaque fois. Ce n'est vraiment pas facile pour nous de passer par cette route. On essaie d'éviter de l'emprunter, mais on tombe dans des embouteillages. On fait aussi des accidents car chaque fois qu'on essaie d'esquiver les nids de poules, on contourne, on n'y passe jamais lorsqu'il pleut. Cette route a été jetée aux oubliettes. Les bus préfèrent passer dans une route en bon état que celle-ci. Ils empruntent la route passant devant la PAF pour aller en ville. Ces personnes s'étonnent également que le gouvernement n'a pas encore débuté les travaux vu qu'il avait annoncé le début de ces derniers et demandent à ce que l'État mette en œuvre ce qu'il avait promis. Nous avons attendu le début des travaux de réhabilitation, mais en vain. Ils ont apporté des machines et ont mis des carrières. Et cela s'est arrêté là. Nous demandons à l'État de faire tout son possible pour que nous puissions nous déplacer de Bubanza à Bujumbura sans problème. Nous demandons au gouvernement de bien réhabiliter cette route afin que nous puissions nous déplacer facilement. Ce qui s'est remarqué sur ce tronçon exactement dans la zone Chibitoke et Kinama, des agents ont commencé à répertorier l'espace à démolir pour reconstruire cette route, même si les travaux ont accusé un retard vu qu'ils devaient débuter en juillet 2023. C'était un reportage de Sheila Irambona. Je vous ai branché sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques appelle le gouvernement burundais à organiser une table ronde avec ses bailleurs pour dénouer la crise économique à laquelle le Burundi fait face aujourd'hui. Dans une conférence de presse ce mercredi, le président de l'Olucom, Gabriel Ofiri, a expliqué que cette crise résulte du manque de devises pour s'approvisionner en produits stratégiques comme le carburant. Suivez plutôt Gabriel Ofiri. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous n'attendons pas les solutions en vue des autorités. On ne voit pas de solutions. Je n'ai pas cité des conséquences qui sont là, mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est la mise en application de la vision 2040-2060, parce que les gens ne sont plus au travail. Les gens ne sont plus au travail, c'est la raison pour laquelle croître l'économie sans travailler, c'est impossible. On ne peut pas travailler sans se déplacer. On ne peut pas travailler sans satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme. C'est impossible. Donc, la première recommandation, c'est cette demande d'audience de façon publique pour qu'on puisse lui montrer toutes les solutions qu'on a déjà données à court, à moyen et à long terme. C'est vraiment urgent. La deuxième recommandation, nous voulons que le gouvernement du Burundi, à commencer par le chef de l'État, d'organiser la conférence nationale et internationale en vue d'étudier des solutions urgentes. Nous demandons cette conférence parce que nous savons que dans le passé, sous Bagaza, il voulait booster l'économie du pays et il a organisé une conférence nationale des cadres. Mais actuellement, comme nous n'avons pas de sous, nous voulons qu'il y ait la conférence internationale, c'est-à-dire des Burundais, des étrangers, pour qu'on puisse réellement étudier des solutions à court, à moyen, à long terme, d'une manière urgente. Parce que cette crise, on voit que même les autorités ne trouvent pas, ne voient pas aucune solution. Gabriel Rouftiri, c'est le président de l'Olucom. La nouvelle loi communale interdit aux élus des deux chambres du Parlement et aux ministres d'être membres dans quelconque conseil communal pour cause d'indisponibilité et d'incompatibilité. Explication du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Mais les sénateurs estiment que leur contribution serait d'une grande valeur. C'était ce mardi à Gitega lors d'une séance d'analyse de la nouvelle loi communale, comme le rapporte notre correspondant à Gitega, Gérard Nibigira. Certains sénateurs ont indiqué qu'ils ne comprennent pas pourquoi la nouvelle loi communale stipule qu'il est incompatible que les parlementaires soient en même temps membres d'un conseil communal vu leur contribution combien importante. Ils expliquent que, comme ils sont chargés d'élaboration, analyse et adoption des lois, leur contribution dans les conseils communaux ne devrait pas manquer. De son côté, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, a signifié qu'un conseiller communal doit d'abord être quelqu'un de disponible tout le temps. Il a aussi ajouté qu'il faut un partage des affaires publiques. Ainsi, si quelqu'un est parlementaire ou ministre, qu'il laisse les autres évoluer et gagner de l'expérience dans la gestion des affaires publiques afin que ça ne soit pas comme le cas où une seule personne porte deux ou trois casquettes à la fois. Il a expliqué que l'incompatibilité a d'abord été relevée chez le ministre et à l'intérieur dans ses attributions. Ensuite, les autres ministres ont jugé bon de le rejoindre. Et en fait, même les parlementaires ont été concernés par cette incompatibilité de siéger en même temps au Parlement et au Conseil communal, alors qu'il y a d'autres citoyens qui ont besoin de s'exercer à la gestion des affaires publiques. Néanmoins, le ministre Martin Niteretse a conseillé aux parlementaires de continuer à fournir les contributions par d'autres canaux. Depuis Gitega, Jean-Yves Guira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard. Et 115 millions de francs burundais, c'est le montant destiné au fonds d'appui aux médias cette année. Révélation faite ce mardi à l'Assemblée nationale lors de l'analyse du projet de loi régissant la presse au Burundi. Bien que le ministre de la Communication, Léocadie Ndacayisaba, ait évoqué des efforts du gouvernement, des députés ont suggéré que ce fonds soit encore majoré. Mireille Kanyangé était là pour nous. Reportage. Ce projet de loi régissant la presse au Burundi, portant révision de celle de 2018 et portant modification de la loi de mai 2015, a été analysé par la commission permanente de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement, du développement communal et des travaux publics à l'Assemblée nationale. Après le rapport, des élus du peuple ont montré leur préoccupation par rapport au fonds d'appui aux médias, un fonds qui était de 60 millions de francs burundais de 2020 à 2021. Pour passer à 115 millions de francs burundais les années suivantes. Le député Jean-Claude Kwizera craint que seuls les médias publics seraient appuyés. Il existe un fonds d'appui aux médias. Mon inquiétude réside dans le fait qu'il peut uniquement appuyer les médias publics sans tenir compte des médias privés. Cela constitue un grand défi. Car je pense que les journalistes ont besoin des moyens leur permettant de collecter des informations sur terrain. À défaut, cela devient un handicap. En d'autres termes, c'est-à-dire que l'on prive de l'information à la population qui devrait en consommer. Dans le même ordre d'idées, le député Anatole trouve insuffisant ce fonds et demande qu'il soit plus appuyé. L'article 65 évoque le fonds d'appui aux médias. Moi, je trouve que les subventions provenant de l'État sont insuffisantes parce qu'elle nous a dit que nous avons plus de 240 médias. En réaction, Léocadie Ndacayisaba, ministre de la Communication, des TIC et des médias, a rassuré qu'il n'y a pas d'exclusion pour appuyer les médias. Beaucoup d'efforts sont fournis par le gouvernement si on considère l'état de ce fonds. Le gouvernement départage ce qu'il a à tout le monde sans préférence pour l'intérêt de la nation et de la population. C'est pour cela que le gouvernement continue de voir comment augmenter ce fonds d'appui. On a débuté avec 60 millions, mais le gouvernement a augmenté jusqu'à 115 millions, tout en espérant que d'autres avantages pourront être mis en œuvre. Selon le rapport de la commission à l'Assemblée nationale, sur les trois années à partir de 2020, 59 laptops et desktops ainsi que 34 enregistreurs ont fait objet d'appui aux médias, presse écrite, télévision et radio. Quant au matériel destiné aux médias pour cet exercice budgétaire en cours, la commande est en cours dans les marchés groupés, a fait savoir le ministre Léocadie Ndacayisaba. Merci Mireille Kanyangé pour ce reportage. Et puisqu'on parle de presse, rappelons que la journaliste Sandra Muhoza du journal La Nova Burundi a comparu en chambre de conseil du tribunal de grande instance de Mukaza. Elle est accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion raciale. Selon son avocat, Maître Prosper Niyo Yangana, cette comparution avait pour but de décider à propos de la liberté provisoire de notre consoeur. Il déplore que la journaliste a été arrêtée dans des circonstances douteuses. Maître Niyo Yangana demande à la justice burundaise de relâcher Mme Sandra Muhoza, car selon lui, le chef d'accusation n'est pas fondé car il est basé sur des commentaires tenus dans un groupe WhatsApp. Et le journaliste Kenny Claude Nduimana a lui aussi comparu jeudi le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukaza. Détenu à la prison centrale de Mimba depuis octobre l'année passée, il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet prochain et pour cause, son co-accusé dans cette affaire, qui a été libéré provisoirement, ne s'est pas présenté à l'audience de jeudi 2 mai. On marque une courte pause pour annoncer que nous ouvrons la rubrique internationale de ce journal. Actualité internationale. En Afrique du Sud, les équipes de secours qui tentent de retrouver des dizaines d'ouvriers du bâtiment disparu depuis l'effondrement d'un immeuble ont trouvé 11 personnes enterrées vivantes sous les décombres ce mardi. Le bâtiment d'habitation de 5 étages était en cours de construction. La mort de 6 ouvriers a été confirmée. Elle en craint que le nombre de morts ne s'accroisse considérablement. Et le Tchad a commencé à dépouiller les bulletins de la présidentielle ce mardi. L'élection qui s'est tenue en début de semaine a été longtemps retardée après 3 années de régime militaire sous le président par intérim Mahamat Debi Itno. Le Tchad est le premier pays du Sahel à organiser des élections depuis la série des coups d'État dans la région ces 4 dernières années. Enfin, à Marseille, ce 8 mai 2024, la flamme olympique entame son parcours sur le sol français. La cérémonie d'arrivée de la flamme olympique débute par une gigantesque parade maritime avec 1024 bateaux inscrits pour escorter le Belém dans les rades nord puis sud de la cité phocéenne. Après l'accostage à 19h, heure de Marseille, face à la Canebière, le premier porteur à s'emparer de la flamme est le nageur français Florent Manodou, champion olympique de natation sacrée en 2012 à Londres. Parle, rassure-moi. Le déni des frustrations d'autrui peut engendrer des tensions dans la communauté. La population et l'administration en commune et Provence Gitega en sont témoins. De son côté, l'expert en résolution pacifique des conflits, Chartière Nyungeko, indique que l'ignorance peut être la cause de ce comportement. Les détails dans cette chronique préparée et présentée par Ornella Mucho. La plupart des cas sont les responsables ou leaders qui minimisent ou dénient les problèmes de la société, comme certains habitants de la colline Mirama, en commune et province de Tega, l'indiquent. Ils prennent l'exemple de certains responsables dans cette localité qui dénient les problèmes, alors que la réalité est différente. Ici chez nous, ceux qui sont plus lésés sont ceux qui portent plainte et qui ne sont pas rétablis dans leurs droits par négligence, ignorance ou le déniement du problème. Dans cette localité, il y a des gens qui rencontrent pas mal de problèmes liés souvent à la gestion des conflits parce que ceux qui devraient trancher n'accordent aucune importance à ce problème. L'expert en résolution des conflits, Chartier Nyungeko, indique que ces messages de déni sont utilisés pour diverses raisons, dont les conflits d'intérêts. Selon lui, si rien n'est fait, ce genre de message peut pousser à la violence. La cause est qu'il y a les intérêts, comme je l'ai dit. Ce groupe ou ce responsable qui est en train de nier que les autres sont en train de souffrir, il y a des intérêts quelque part qu'il est en train de protéger. Ou s'il ne s'agit pas d'intérêts, je peux parler d'ignorance. Les langages de déni ont de grands problèmes. Si vraiment ils ne sont pas bien traités, bien gérés, ces langages ont des problèmes, surtout sur les groupes concernés. Le groupe concerné va se sentir menacé. Et s'il se sent menacé directement, il va développer des mécanismes d'auto-protection. Vincent Hakedimana, conseiller chargé des questions politiques et socioculturelles dans la commune de Gitega, indique que le rôle de l'administration dans de telles situations est d'organiser des réunions de sensibilisation pour décourager l'utilisation de ces messages. L'expert Chartier Nyungeko conseille les auteurs de ces messages d'éviter tout langage pouvant créer de divisions et du côté des victimes, il faut qu'elles apprennent à envisager les différentes voies, options et solutions à entreprendre pour apaiser les tensions. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.